Studec Web. Vous écoutez Studec Web, il est 17h. Studec Web, les infos. 17h, l'heure des informations avec vous, Quentin Martel, bonsoir. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le verdict sur l'affaire Georges Tron a été révélé. Il est acquitté des accusations de viol. Il encourait jusqu'à 6 ans de prison ferme et 4 ans contre son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Depuis un peu plus de 3 semaines, ils étaient jugés pour viol et agression sexuelle en réunion. C'est une secousse qui s'est abattue sur les familles des victimes qui vont sûrement poser un recours. La raison de cette décision, c'est un manque de preuves, tout simplement. Le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, a présenté ce matin sa démission via Twitter. Un signe fort de protestation contre le projet d'accord trouvé pour la première ministre Theresa May avec l'Union européenne. La dernière à avoir démissionné, c'est la secrétaire parlementaire Anne-Marie Trabian. Le sommet pour signer le projet d'accord aura lieu le 25 novembre prochain. Theresa May devra présenter son texte de 600 pages, lors d'une allocution devant la Chambre des communes. Alors pour rappel, cet accord vise à éviter de sortir brutalement de l'Union européenne. Un accord douanier est également prévu dans le texte et surtout une solution sur les frontières irlandaises. En début d'après-midi, le député conservateur pro-Brexit Jacob Rees-Mogg a réclamé un vote de défiance contre la première ministre britannique. On compte à l'heure actuelle 5 démissions. Aujourd'hui a été décerné le prix Goncourt des lycéens. À l'occasion des 30 ans du Goncourt, David Diop a été primé pour sa vision terrible de la guerre. L'auteur de Frères d'âme a gagné une deuxième tour avec 5 voix. Les débats du jury qui se sont déroulés pendant 2 heures à l'hôtel de ville à Rennes ont été très fournis jusque-là, jusqu'à la dernière minute. Emmanuel Macron devrait l'accueillir en personne à l'Elysée en toute fin d'après-midi pour lui remettre le prix. La sécurité routière a annoncé une hausse des accidents corporels de 5,5% et des blessés de 6,6% en octobre 2018 par rapport à l'année dernière. En revanche, elle a annoncé aujourd'hui la baisse du pourcentage de morts sur la route par rapport à 2017, moins 13,8% précisément. C'est le chiffre qui a été dévoilé pour le mois d'octobre 2018. Au total, c'est 275 personnes qui ont été tuées contre 319 au cours de la même année de l'année dernière. Excusez-moi. Une réponse sera donnée début d'année prochaine pour savoir si la nouvelle limitation de vitesse de 80 km/h sur les routes en est la principale cause. Et du côté du ciel, pour cet après-midi, les brouillards viendront cacher le soleil de la Bretagne à la région parisienne sur les Hauts-de-France. Ces grisailles évolueront vers un ciel plus dégagé au fil des heures sur la moitié est et dans le sud-ouest. Ailleurs, les éclaircies seront plus timides. Pensez à sortir vos manteaux pour cette soirée. Les températures atteindront 8 à 12 degrés sur l'Alsace-Lorraine, 12 à 20 ailleurs dans le nord et dans le sud. C'est la fin de ce flash, je vous laisse en compagnie de Baptiste pour l'émission Drive qui va durer pendant une heure. Très belle soirée à tous. Merci Quentin, prochain point sur l'info à 17h20. Studec Web. Une radio DDI. Studec du Kiki. Studec Web. 17h, vous écoutez Studec Web, merci, vous avez du goût. Restez branchés, on fait un bout de chemin ensemble jusqu'à 18h avec mes 3 mousquetons du GPS. Le Grand Prime Studec Web, à tout de suite. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. J'ai reculé. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h pour Roule dans le GPS sur Studec Web. Bienvenue dans le Grand Prime Studec, ravi de vous retrouver pour une heure de Radio Passion, le GPS tout simplement. On a mis toute une équipe marketing sur le coup pour trouver le nom de cette émission. L'émission qui vous ressemble et comme son nom l'indique, qui vous accompagne tout en douceur chez vous, que ce soit à la sortie du travail, des cours ou en jet privé direction les Seychelles. Oh oui. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mes mousquetons préférés, c'est l'équipe du GPS du lundi au jeudi, Steph Le Relief. Et Bilal sont avec moi, bonjour messieurs. Salut Baptiste. Ou bonsoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Et vous savez tous comme moi que les mousquetons sont 3. Et justement, pour compléter cette belle équipe, j'accueille Tony Pitaro, pardon, qui vient compléter l'équipe. Tu seras Aramis aujourd'hui. D'accord, bonjour, Tony. Très bien. Bonjour. Et juste le jet privé pour les Seychelles, c'est où que ça se passe? C'est à la sortie. À la sortie, d'accord. Et bien, très bien. Merci beaucoup. Tony, tu es tout droit envoyé de notre belle rédaction de Studec Web et tu vas nous épauler pendant toute l'heure. On ira faire un tour avec toi de notre jolie cette planète, puisque tu as des infos incroyables à nous faire partager. Du monde entier. Exactement. Et j'ai un tout petit quiz musical. J'ai lâché l'info. Un quiz musical en fin d'émission. Hier, la team Bilal Steph avait gagné. Ça se passera en fin d'émission dans l'intersection. Attention à la priorité. On n'oublie pas non plus le jeu de la marche arrière avec vous hein, qui nous écoutez. Steph, tu fais gagner un beau cadeau, je crois, aujourd'hui. Eh oui, exactement. Toujours une visite des studios de Studec Web. Donc voilà, vous choisissez l'émission dans laquelle vous voulez venir. Et puis nous, bah, on vous accompagne. C'est tout simplement. On n'est pas des pinces. Bilal, tu allumeras tes pleins phares dans quelques instants et tu braqueras les feux sur une nouvelle découverte. Et puis on attend votre réaction tout au long de l'émission. Côté musique, j'ai sélectionné ce qui se faisait de mieux sur Studec Web. Petit aperçu, on écoutera ça. Calvin Harris, Sam Smith, le duo de choc, une belle promesse musicale. J'ai aussi ça dans la machine. Alan Walker, le tout dernier, nouveauté Studec Web qu'on aura le plaisir de découvrir ensemble dans la prochaine demi-heure. Mais que serait une émission réussie sans jeu? Heureusement pour vous, ici, on a le jeu de la marche arrière et c'est Steph qui embraye. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. La marche arrière, l'occasion parfaite de gagner un super cadeau chez vous. Steph, on part sur un premier indice pour nos auditeurs. Exactement, premier indice et surtout 4 indices le long de l'émission pour une année à découvrir. On découvre ensemble le premier. 20h, Salgavo. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. Je pense que c'est un grand moment pour l'ensemble des Français et qu'un rêve va se réaliser pour tout le monde. Alors qu'un rêve va se réaliser pour tout le monde, je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà le premier indice de la marche arrière. Si vous avez une idée de l'année dont je vous parle, ça se passe sur Facebook par message, sur la page Facebook de Studec Web. On est complet, merci à toi pour ce premier indice. Rendez-vous dans 15 minutes pour le deuxième. Oh là là! C'est le titre du morceau qu'on vous fait partager sur Studec. Ça s'appelle Oh là là, de Maître Gims, ceinture noire en hip-hop. Pour vous, sur Studec Web. Dans les échos, les gens parlent trop. Comédie sur comédie, tout ce qu'on te dit. J'aime ce qui est beau, comédie sur comédie, tout ce qu'on te dit est faux. On dit que je suis son cœur, je sais que tu te méfies. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films. T'as l'air si particulière, moi l'inconnu m'attire. Quand est-ce qu'on se revoit seul? Oh là là, ma brigue, brigue, brigue. Oh là là, ma brigue, brigue, brigue. Oh là là. Des échos, me qui en fait trop, jalousie sur jalousie, on veut me faire la peau. Oui, j'ai mon écho, j'aime pas la classe écho. Jalousie sur jalousie, on veut me faire la peau. On dit que je suis son cœur, je sais que tu te méfies. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films. T'as l'air si particulière, moi l'inconnu m'attire. Quand est-ce qu'on se revoit seul? Oh la la, ma brigue, brigue, brigue. Oh la la, ma brigue, brigue, brigue. Oh la la, ma brigue, brigue, brigue. Oh la la, ma brigue, brigue, brigue. Hey, ok. Alors c'est dans l'état. Maître Gims, ceinture noire en hip-hop, dispo chez tous les bons disquaires et en streaming, payant bien sûr. Jour, nuit, jour. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière? Voilà, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Studec Web. 17h09, vous êtes en plein cœur dans le GPS sur Studec Web. L'heure pour moi de laisser la parole à Bilal le carrousel, qui a enlevé ses feux de croisement. Ça tombe bien, c'est l'heure des pleins phares. Aujourd'hui, je vais vous parler du site de streaming le plus connu dans le monde, Netflix. C'est vrai. On aime. Un vivement soir. Netflix est une entreprise américaine qui en 2018 compte plus de 130 millions d'abonnés. À la base, ce n'était qu'une entreprise de location de vidéos. Ils ont un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Et Netflix est disponible dans plus de 190 pays. et il propose une centaine de films. Actuellement, il existe 3 abonnements à Netflix. Le premier à 8€, qui permet de regarder sur un écran et sans HD. Le deuxième est à 11€, la formule standard, permet de regarder sur 2 écrans et en HD. Et la troisième formule, la formule premium, à 14€, permet de regarder sur 4 écrans pardon, et un ultra HD. Nom de Dieu, Marty. Eh ouais, tu l'as dit, Doc. Mais attention, il y a des rumeurs via 2 sources différentes qui disent que Netflix va proposer un tout nouvel abonnement. 2 possibilités s'offrent à nous. Tout d'abord, un média italien lui affirme que Netflix va proposer un abonnement à 16,99€, l'abonnement Ultra qui proposerait exactement la même chose que la formule Premium qui passerait plus qu'à 2 écrans. Bon, c'est les rumeurs la moins plausible mais qui reste possible parce ouais. que Netflix avait communiqué comme quoi il voulait baisser ses prix. La deuxième proposition, c'est que Netflix proposerait un abonnement à 20€ avec toujours que 4 écrans mais avec du contenu HDR, ce qui est une excellente qualité. Genre, c'est le top du top de la c'est qualité. C'est genre la 4K, ouais, voilà. Comme ça. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler, Harry? Mais non, je t'ai pas oublié, Dumbledore. Pour ceux qui ne le savent pas, Netflix a mis en ligne tous les films Harry Potter. Donc le dimanche, si vous n'avez rien à faire, hein, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que tout ça est réel? Ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Eh non, Harry, sache que c'est bien réel, c'est pas un rêve, ce n'est pas dans ta tête. Donc voilà, tous les fans, j'en connais, je sais qu'il y en a plein, des fans d'Harry Potter. Ouais. Et j'ai juste une petite question, parce que je me posais des questions. C'est quoi la différence entre la HD et la Ultra HD? Parce que quand je regarde sur mon ordinateur, franchement, la HD me va très, très bien. Mais généralement, sur l'ordinateur, on fait pas la différence, faut les télé 4K. Ouais, c'est ça, c'est ta télé, voilà. En fait, qui va fournir 4K, la voilà. différence. Merci messieurs, merci Bilal, merci de nous avoir bien éclairé. À ma gauche, lui, est plutôt son de lumière, hein. Philippe Manœuvre nous l'envie. Steph, notre spécialiste, a fait un tour chez son disquaire préféré afin de nous dénicher le vinyle qui pourrait se retrouver chez vous. C'est Vinyl Story sur Studek Web. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Steph, tu nous as encore trouvé un classique. Eh oui Baptiste, je continue mes excursions musicales et pas de grand changement dans le Vinyl Story d'aujourd'hui par rapport à celui d'hier, puisqu'aujourd'hui je vous ramène seulement 2 ans après. Retour donc en 1982. Aïe. 1982, les États-Unis commencent enfin à sortir la tête de l'eau après plusieurs années de crise économique. Pendant ce temps-là, dans le quartier du Bronx, la musique est partout et elle est surtout en train de changer puisqu'elle appartient plus que jamais à la rue. 1982, les gars, c'est la période des crews. Vous connaissez ces collectifs de musiciens qui performent lors de block parties, c'est ça. Des genres de soirées improvisées dans la rue où le son est généralement géré par la voiture avec la meilleure sono. Parmi les acteurs de cette révolution, il y a Joseph Sadler et qui est Grandmaster Flash. Il écume les clubs souterrains en perfectionnant ses techniques de DJ. C'est cette année-là que lui et son crew, les Furious Five, sortent un morceau qui marquera à jamais le monde de la musique. Tout commence en 1976, c'était le morceau d'avant les gars. Oh, c'est pas grave. Dans le South Bronx, un des quartiers de New York, Grandmaster Flash fonde son crew et est sur le point de révolutionner un des nombreux arts du hip-hop, le DJing, considéré comme l'un des pionniers de la pratique, qui sera celui qui introduira au grand public 3 techniques aujourd'hui toujours considérées comme primordiales dans les maîtrises de platine. Et puisqu'un exemple vaut 1000 explications, voilà ce que ça donnait déjà à l'époque. Et toujours pas. Voilà, là on est bon. On reconnaît bien évidemment le titre. Exactement. Si vous avez rien décelé de particulier dans le morceau que je viens de passer, ça veut dire que le travail est bien fait, parce que dans cet extrait, juste dans cet extrait-là, il y a déjà 4 manipulations, du scratch, un silent phase, 2 changements de vinyle en direct pendant que la musique continue à tourner, et plusieurs crossovers. Alors bon, c'est des termes qui peuvent faire peur et qui me prendraient surtout bien trop de temps à vous expliquer les mecs, mais c'est surtout fait pour atteindre un seul et unique objectif, faire danser les breakdancers, qu'on appelait à l'époque les b-boys, une autre pratique du hip-hop. Le DJ a donc en gros une seule mission, isoler ce qu'on appelle le break du morceau, ce moment où le chanteur ne chante pas justement et où les percussions s'enchaînent. C'est sur ce moment précis de la musique que les b-boys entrent en scène et révèlent leurs moves les plus incroyables. C'est ce que Grandmaster Flash faisait de mieux et c'est ce qui lui a aussi donné envie de l'immortaliser sur plusieurs disques. Une autre évolution puisqu'à l'époque le hip-hop était exclusivement réservé aux performances live. Je conclus donc ce Vinyl Story avec The Message, le premier morceau de hip-hop à être diffusé sur support discographique. C'est aussi le premier morceau à introduire un discours un petit peu politiquement engagé puisqu'on suit le récit d'un habitant

Studec Web, les infos. 17h20, le point sur l'info, c'est avec vous Guillaume Buant, bonsoir. Salut Baptiste, bonsoir à tous. Georges Tron et son ex-adjointe Brigitte Gruel ont été acquittés pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Les éléments à charge existants contre les accusés étaient insuffisants et le doute devait leur profiter, justifie la cour d'assises dans ses motivations de l'acquittement. La preuve d'une situation de contrainte que ni Georges Tron ni Brigitte Gruel aurait pu percevoir n'a jamais été rapportée, estime la cour, quand bien même celle-ci convient que le maire de Draveil avait la capacité manifeste d'imposer ses volontés comme d'exercer des pressions. Le gouvernement fait marche arrière sur le projet de loi sur la PMA. Elle sera en discussion à l'Assemblée nationale l'été prochain et non en janvier 2019. Elle sera accessible à toutes les femmes homosexuelles et célibataires, ainsi qu'aux couples ne pouvant pas avoir d'enfants. Marlène Schiappa, ministre de l'économie de l'égalité homme-femme, a ajouté également que ce dispositif sera remboursé par la sécurité sociale pour toutes les femmes. Le nombre de morts sur les routes de France a fortement baissé en octobre, moins 13,8% avec 275 personnes tuées contre 319 par rapport à 2017, une annonce faite aujourd'hui par la sécurité routière. En Angleterre, un projet d'accord a été trouvé pour le Brexit. Le filet de sécurité permet de protéger le marché intérieur britannique et d'assurer un accès sans entrave des marchandises de l'Irlande du Nord vers le reste du marché britannique. Aujourd'hui, quatre de ses ministres, dont celui chargé du Brexit, Dominic Raab, ont démissionné. A noter qu'un député pro-conservateur a réclamé un vote de défiance contre la Première ministre. Ce matin, la Première ministre justement a défendu le compromis devant les députés dans une ambiance houleuse, les avertissant que c'était soit accepter de sortir sans un accord, ou alors de renoncer au Brexit tout court. Les jours sont donc comptés alors qu'il doit être mis en place le 29 mars 2019. Theresa May tiendra justement une conférence de presse à 18h, heure française. En littérature, le romancier David Diop a remporté aujourd'hui le convoité Goncourt des lycéens. Son livre Frères d'âme parle d'histoire d'amitié jusqu'à la folie dans l'enfer des tranchées. Le roman a été choisi au deuxième tour par 5 voix sur 13. La météo pour ce soir, un ciel clair et légèrement nuageux. La brume pourra faire son apparition sur le centre. Quelques gouttes de pluie tomberont sur le sud de l'Occitanie. Côté température, comptez entre 4 et 14 degrés. 4 à l'est, 12 sur la Bretagne, 14 dans le sud-ouest et la Corse. Tout de suite, retrouvez le GPS avec Baptiste et toute son équipe. Bonne soirée à tous. Merci Guillaume. Prochain flash à 17h40. Studec, l'infotrafic. Ça bloque, ça roule, on en profite pour passer Paris à la loupe. La circulation, c'est avec toi Tony. Eh bien oui Baptiste, et j'ai une bonne nouvelle, tout va bien. Au niveau du métro, du tram, du RER et même du Transilien, aucune ligne n'est ralentie, tout fonctionne pour le mieux. Par contre pour le trafic routier, c'est un peu plus compliqué, hein, même si les déplacements restent assez fluides. À noter quelques ralentissements sur le périphérique intérieur nord et le périphérique intérieur et extérieur au sud. Mais bon, c'est normal pour une fin d'après-midi et j'en profite pour vous dire que samedi, en raison de la manifestation des Gilets jaunes, ce sera très compliqué pour les bus. A noter un incident avec un véhicule léger sur l'A86 intérieur. Une voie est fermée sur 3 voies. Et puis dans le sens Paris-Province de Saint-Maurice à Nogent sur 5 voies, une voie est fermée également à droite. Et à l'inverse de Nogent vers Saint-Maurice sur 5 voies, une voie est fermée mais on peut tout de même circuler. Et puis je vous donne un petit chiffre, il y a 233 km de bouchons actuellement. Merci Tony, on refait un point avec toi dans 10 minutes. Le GPS, ça continue sur Studec Web, restez avec nous. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Ah bah pour une fois que je bouffe pas le jingle. Ça change l'évolution, le progrès. Je regarde la pendule Studec Web, 17h23, vous êtes toujours branchés avec nous. L'émission qui tient la route, le GPS, voilà, c'est elle est vrai, faite. C'est merci. Beau, c'est bien fait. On devrait mettre un euro dans la boîte à vannes, tu sais. Ouais. Mais alors tout ton argent, dans le cochon et on te regarde. On a un beau cadeau à vous faire les amis. Justement, on va faire un récap du jeu avec un nouvel indice et c'est Steph qui s'y colle. Et ouais, exact, Bat. Non, pardon. Ok. le jeu de la marche arrière, je vais réexpliquer rapidement parce que tout à l'heure on n'avait pas trop le temps. Ouais. 4 indices pour une année à découvrir. En gros, voilà, pendant tout le long de l'émission, moi je vous donne des indices. Ils peuvent être illustrés par un son, des fois sans son. Ça dépend en gros de mes envies. L'objectif c'est retrouver de quelle année je suis en train de vous parler. Et le premier indice, je vous l'avais donné tout à l'heure et on va se le réécouter maintenant. 20h, salle Gaveau. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. Je pense que c'est un grand moment pour la... Et voilà, la victoire de Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal. Il avait été élu cette année-là avec 53% des voix au second tour. Deuxième indice, depuis le 1er février de cette année-là, il est officiellement interdit de fumer dans les lieux publics. Je vous parle des écoles, des collèges, des lycées, des magasins. et en cas de non-respect de la nouvelle loi, les fumeurs s'exposent à une amende de 75 euros. De quelle année je suis en train de vous parler ? Votre réponse par message privé sur la page Facebook StudecWeb. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, votre prénom et votre réponse, bien évidemment. Voilà, vous savez tout, vous pouvez jouer pendant qu'on écoute la magnifique collaboration Sam Smith-Calvin Harris avec Promises sur StudecWeb. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Dans l'un des plus grands chanteurs du moment, Sam Smith pose sa voix sur une compo de DJ Calvin Harris. Ça nous donne une œuvre intemporelle. C'était Promises sur StudecWeb. La radio, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Enfin, peut-être un jour. On essaye en tout cas. On est ravis de passer cette heure avec vous. Hein. Et vous êtes déjà pas mal à réagir sur Twitter, hashtag GPS. Il y a Léopoldin qui nous dit « J'adorerais visiter StudecWeb. Avez-vous le code de la porte d'entrée, les locaux ?» Ah, le code de la porte d'entrée, c'est retrouver la bonne année au jeu de la marche arrière. C'est comme ça que ça se passe, Léopoldin. Il est fou, celui-là. Ouais. Il faut jouer à la marche arrière, mon poteau. T'as encore une petite demi-heure. Et si vous aussi, comme Léopoldin, vous voulez passer une tête chez nous, à StudecWeb, vous pensez avoir reconnu l'année où Steph veut nous ramener, ça se passe en message privé sur la page Facebook StudecWeb. Vous nous glissez votre numéro avec votre prénom et on vous rappelle. Les et filles la réponse aussi bien évidemment. Je veux les numéros perso des filles, ça ne me dérange pas. Et continuez de venir réagir, hein, toujours @StudecWeb sur Insta. Les photos sont les bienvenues sur Twitter avec le hashtag GPS. On a les yeux partout. Et aussi, si vous voulez voir nos duck face, c'est direction studioecoledefrance.com. On est filmé. Exactement. Tout est dit. Et oui, tout est dit. On est complet. StudecWeb, c'est du talk, mais c'est aussi beaucoup de musique. N'oubliez pas que sur la web de Studec, on vous joue les hits les plus chauds du moment. C'est 100% nouveaux talents, 4 heures entièrement consacrées à la musique, 14h-18h. Vous pouvez checker ça sur studioecoledefrance.com, de quoi compléter votre collection iTunes. Et je vous donne rendez-vous dès lundi justement avec Steph et Bilal qui seront en manette de 15h à 15h30 toute la semaine. Et ils ont vraiment du talent, ces gens-là. Studec, l'infotrafic. Ça roule toujours dans le GPS, la transition parfaite pour aller refaire un point sur les routes avec toi, Tony. Eh bien, tout au niveau des métros, tram, RER et Transilien, aucune ligne n'est ralentie, tout fonctionne pour le mieux, mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour le trafic routier, c'est un peu plus compliqué, même si les déplacements restent assez fluides. Quelques ralentissements sur le périphérique nord et sur le périphérique intérieur et extérieur au sud, pardon. Mais bon, c'est normal pour une fin d'après-midi. Le 17 novembre, attention si vous prenez le bus en raison de la manifestation des Gilets jaunes, et il n'y a plus d'incident avec VI. Sur la 86, donc tout roule. Merci, on refait un point avec toi dans une dizaine de minutes. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la même station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Tiens, reculez. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h pour Roule dans le GPS sur Studec Web. Il est 17h30, pétante, le bon goût de Studec Web dans le GPS. Bonsoir, il fait déjà nuit, c'est vrai que c'est... Ah ouais, mais c'est... ça fatigue. Ouais. Ça te change le rythme. Hein. Exactement. Merci de nous avoir choisis, tout le monde est welcome. Hein. Si vous venez nous rejoindre, on a les choses bien en main. L'Happy Hour, c'est un petit peu ici, hein. Ouais. On est d'accord. Ouais, si tu commences très tôt, quoi. Je suis toujours avec mes animateurs d'origine contrôlée, les AOC. Bilal, Steph et Tony, l'italien. Ah, mais alors. Ah, qu'est-ce que ça, c'est, ah, non, quand ça même... c'est espagnol. Voilà. Oui. Ouais. Non, je vous l'accorde, italien, d'accord, je l'accorde. Il prend la nationalité, voilà. Voilà. Vous n'avez pas besoin de bouger puisque Bilal a déniché un truc dans sa boîte à gants, alors restez bien avec nous. Tu peux nous en dire encore un peu plus, s'il te plaît, Bilal? Il y aura du Disney. Il y aura du pas cher, des bons plans, voilà, il y aura de la nourriture, des restos, des bars, oh bah voilà. C'est parfait. Il couvre tout. J'aime bien Disney. Ouais. Je vous rappelle aussi qu'on va jouer ensemble tout à l'heure puisque j'ai prévu un petit quiz en fin d'émission pour la team. Ah. On verra lequel de Steph, Bilal ou Tony est le plus énervé du buzzer. On continuera aussi à vous étonner. Hein. Tony, tu nous présenteras la planète avec des choses assez dingues. Et on dingue. Ira faire un tour du côté de la Chine d'ailleurs, vous allez voir. Ouh là là, la Chine, yes. je m'attends... Ça va être sympa tout ça, 24 heures sur la planète en fin d'émission. De la musique à l'honneur aussi puisqu'on écoutera ça. C'est le dernier Alan Walker, ça s'appelle Diamond Heart, cœur de diamant. What a beautiful English. Le DJ anglais superstar Alan Walker. Et puis dans un autre style, un classique qu'on va pouvoir retrouver, préparez-vous. Wow. Ça c'est le dernier morceau de l'émission. Est-ce qu'on mettrait pas le feu sur le studio? Oh là là, quelle façon de conclure. Johnny, ça fait bientôt un an, il nous manque. Ouais. En attendant de pouvoir écouter ça, Steph, tu vas nous faire croquer un nouvel indice pour le jeu. Billboard, s'il vous plaît. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Nous revoilà dans le jeu de la marche arrière. 4 indices pour une année à découvrir. Je vous donne des indices à travers toute l'émission. Voilà. Des fois, c'est des sons, des fois, c'en est pas. On refait ensemble un point sur tous les indices qu'on vient de donner, en commençant par le premier, le voici. 20h, Talgavou. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. Je pense que c'est un grand moment pour l'ensemble des Français et qu'un rêve va se réaliser pour tout le monde. Oh. Avec Sarko, ça recommence. Oh là là, est-ce que le rêve s'est réalisé? C'est la question que je te pose. Nicolas Sarkozy avait été élu cette année-là face à Ségolène Royal avec 53% des voix au second tour. Deuxième indice, depuis le 1er février de cette année-là, justement, mais de quelle année parlons-t-on, je vous le demande. Il est officiellement interdit de fumer dans les lieux publics, les écoles, les collèges, les lycées, même si c'était déjà un petit peu conseillé qui d'éviter fumait dans de les fumer écoles, au collège. J'ai envie de dire. Les écoles, exactement. En cas de non-respect de la loi, les fumeurs s'exposent depuis cette année-là, justement, à une amende de 75 euros. Indice numéro 3, le 8 février de cette année-là encore. Plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires descendent dans la rue, enseignants, agents des impôts, personnel de l'équipement. Tous appellent à manifester contre les restrictions budgétaires, le manque de moyens et les 15 000 suppressions de postes pour les fonctionnaires prévues cette année-là. De quelle année je suis en train de vous parler? Ça se passe sur la page Facebook Studec Web par message privé si vous pensez avoir la réponse. Vous nous la laissez justement la réponse avec votre prénom et votre numéro de téléphone. Voilà, Bat. Bonne chance à tous. Tenez, j'ai une petite réaction là sur le Twitter de Studek. Ouais. J'ai Donatien qui me fait « Merci les gars pour votre conseil musique d'hier soir. Ah. J'ai pécho. Oh. » Ah. Et eh bah oui, bravo à toi, Donas. Sur quel son? C'est ça qu'il faudrait lui demander. Qui de nous avait raison? C'était George Michael ou Mr. Carles. George Michael. Il fait ça bien, Donas. Bah ouais, Donatien. C'est un mec classe. Hein. Très grand lover. Si vous, par exemple, vous devez inviter une nana un soir, vous l'avez jamais vue, un truc Tinder, par exemple. Ah. Ça sera quoi? Team ciné, team resto, team... Okay. Je te dirais pas team ciné parce que je pense que pour un premier rendez-vous t'as quand même envie de lui parler et techniquement dans un ciné tu vas pas faire ça. Exact. Du coup je sais pas, team sur un banc dehors pour moi. Ah ouais. Écoute, et toi Bilal, team romantique moi, toi moi, tu vas pas croire mais moi les musées j'aime bien. Ah c'est vrai, ouais, et ça permet aussi de voir, tu vois, de voir s'il y a une petite touche, si vous avez des choses en commun. J'aime bien les vois. Premiers rendez-vous dans le musée, je te jure. Et bah voilà. Et puis la nana est sûre de s'embêter, donc toi du coup tu deviens intéressant. Ça c'est ma stratégie. Tu vois le délire ou pas? C'est exactement ça, le malin. Si vous voulez des conseils escroqueries, bah justement ça se passe sur Snap, ça se passe partout, on Snap a les bon. Yeux partout, c'est l'heure de la boîte à gants. Studek Web. Boostez le son et kiffez vos hits. Nicole, une radio et vous. Ah, c'est le bazar là-dedans. On va peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studek Web. 17h36 au coucou de Studek Web. Depuis le début de la semaine, on y a trouvé une entrée au salon Made in France. Mardi, c'était un ticket de ciné. Hier, un billet pas cher pour Santo Rico. Et cette boîte à gants est décidément pleine de surprises. Bilal, je crois qu'il te reste de belles choses dans cette boîte à gants. Ouais, moi, ça va être plutôt les bons plans sortis pour le week-end. Hein. Si vous cherchez des bons plans pour sortir à Paris ce week-end, expo, balade, resto, ciné, on en parlait. Hein, ah, c'est un date Tinder, quoi, en voilà. Quelque sorte. Et même, hein, il n'y a pas que Tinder pour rencontrer des gens. Bien évidemment, il y a aussi les balles musettes. Ouais. Oh là là. Et en plus de ça, sortir sans payer à Paris, c'est presque possible. Non. Ouais. Si, j'y crois plus. Si. Il a relevé si. Le défi, moi, je dirais. Et avec mes centaines d'idées et de sorties quotidiennes, et ben, j'ai réussi à faire le tri. D'abord, on va commencer pour les amoureux de Disney, pour les amoureux de tout court. Hein. Si vous passez aux alentours de Disneyland Paris, ne manquez pas le spectacle des feux magiques de Disney. En fait, c'est un spectacle de son et de lumière entièrement gratuit sur le lac de Disneyland, au Disney Village. Ok. Et c'est ce week-end prochain, et ça termine dans 3 semaines. Après, ça commence à se refroidir en ce moment, et quand il fait froid, hein, on a tous envie d'une seule chose, c'est se blottir dans une couverture, boire un chocolat chaud. On est tous les mêmes face au froid, honnêtement. Steph, toi, je sais que t'aimes bien regarder Netflix. Ah, exactement, il me connaît. Et bon, et pour déguster les meilleurs chocolats chauds de Paris, et ben en fait, c'est The Chocolate Bar. C'est 41 avenue de Bretagne, dans le 3e arrondissement. C'est quoi le métro? Ligne 3, c'est on mettra ça sur l'article Gallieni. Et on emmène notre couverture dans le bar alors, et Netflix avec. Ouais, c'est on ça peut, mais on d'accord. Peut. Okay. Ou alors ils fournissent tout. C'est un coworking, tu peux travailler là-bas, c'est un voilà, tu peux tu peux te poser, ouais, tu travailler, fais ce que tu veux, tu boire, fais ta vie. Et voilà, c'est tout et entièrement cocoon. En chocolat, tu vois. Même les verres sont en chocolat. Tu peux tout manger ouais, ou techniquement ouais, non tu peux le manger après. Ouh, là tu me parles ouais, village. Ça, c'est un et, plan, et le pire, c'est que c'est vraiment pas cher. C'est genre, voilà, le max, ça doit être quoi? Vraiment, c'est 8 euros. C'est c'est entre 8 et vraiment le max, c'est 15 euros. Et voilà, c'est vraiment pas cher et franchement, c'est vraiment à essayer. Si vous voulez vous péter le bidon. Ouais, voilà. Et après ça, hein, pour les Italiens, voilà, on parlait d'Italien. C'est cette Paris. Je vais donc parler de pizza et il y a où trouver le temple de la pizza à Paris. Eh ben, c'est au Brooklyn Pizzeria. Bon, Brooklyn. Ah, je connais. Ouais, tu connais? Ah ouais, super C'est toujours dans le 3e arrondissement et c'est 33 boulevard Beaumarchais. Et c'est entre 15 et 20 euros. Et franchement, c'est le resto italien par excellence sur Paris. Eh bien, super, Bilal, merci. Okay, prochain plan, lundi, à la même heure. Voilà, sur Studek Web. Salut, c'est Anaëlle. Retrouve-moi dès lundi avec Thomas et Lucas pour l'émission Studek Borderline. Autant te le dire tout de suite, on va passer une heure ensemble. Hein, donc pose-toi, mets-toi à l'aise et prends même une petite collation si t'as envie. Tu veux savoir de quoi on va parler? Bon, ça reste entre nous, mais à partir de 15h dans Studek Borderline, c'est surtout de la culture, des hits et une ambiance pas piquée des hannetons. Là tout de suite, je sens que t'as envie d'annuler tous tes plans pour venir nous écouter. Alors on te donne rendez-vous demain de 15h à 16h sur Studek Web. Studek StudecWeb. StudecWeb. Studec. This is why Clash. StudecWeb. 100% nouveaux talents. 100% nouveaux talents. Une école, une radio et vous. . 17h40, les titres du journal de Studec Soir, développé avec vous, Louis Chassagne. Bonsoir. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Au programme du journal de Studec Soir à 18h, au lendemain d'un conseil des ministres décisif en Angleterre, Theresa May doit s'exprimer aujourd'hui devant le Parlement britannique qui avance là en conférence de presse à partir de 18h. Après avoir persuadé une partie de ses ministres d'approuver l'accord sur le Brexit, la Première ministre reste tout de même sur un siège éjectable. En effet, ce matin, quatre ministres, dont le ministre chargé du Brexit, ont démissionné de leurs fonctions. Jacob Rees-Mogg, un député conservateur pro-Brexit et donc eurosceptique, réclame un vote de défiance contre la Première ministre. En France, Édouard Philippe reste attentif et rappelle que pour l'heure, rien ne permet de savoir si l'accord sera réellement adopté selon ses dires. Les discussions sur la procréation médicalement assistée pour les femmes n'aura finalement pas lieu en janvier 2019, mais à l'été prochain. Macron avait promis lors de la campagne présidentielle de faire de l'APM à l'un de ses chevaux de bataille. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a précisé que le texte serait d'abord envoyé au Conseil d'État fin 2018, début 2019. Une nouvelle loi anti-fessée sera proposée à l'Assemblée nationale. Le 29 novembre, les députés vont devoir se prononcer sur une proposition contre les violences éducatives ordinaires. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, apporte notamment son soutien à cette loi. Oui, moi je soutiens cette proposition de loi pour interdire ce qu'on appelle les châtiments corporels ou les violences éducatives, parce que je crois qu'il n'y a aucune violence éducative, il n'y a pas de petite claque. Toute violence a des séquelles importantes, c'est maintenant démontré scientifiquement sur les enfants dans toute leur vie, y compris lorsqu'ils sont adultes. C'est ma position personnelle et je crois qu'en 2018, je ne vois pas qui pourrait défendre l'usage de la fessée et des violences ordinaires éducatives. Evan Guilmoto reviendra plus en détail sur ce sujet dans le journal. Un point rapide sur la météo, le temps est légèrement nuageux actuellement avec la brume qui fera son apparition dans la région centre. Quelques gouttes de pluie tomberont sur le sud et la région Occitanie, côté température comptée entre 4 et 14 degrés. Rendez-vous tout à l'heure à 18h donc avec Geoffrey Branger pour Studec Soir. Tout de suite c'est le GPS avec Baptiste Marchand sur Studec Web. Merci Louis, votre prochain rendez-vous avec l'info à 18h dans Studec Soir. Studec, l'infotrafic. On fait un rapide point circulation avec toi, Tony. Oui, Baptiste, et alors pour les transports en commun, au niveau des métros, des trams, des RER, des Transiliens, aucune ligne n'est ralentie, vous pouvez rentrer du travail, tout fonctionne pour le mieux, et pour le trafic routier, c'est un peu plus compliqué, même si les déplacements restent assez fluides. Hein. Quelques ralentissements sur le périphérique extérieur sud, mais bon, c'est normal pour une fin d'après-midi, et puis je vous le rappelle, samedi 17 novembre, la manifestation des Gilets jaunes, les bus seront très très compliqués à Paris, donc privilégiez d'autres transports, et il n'y a plus d'incidents. Sur la 86. Voilà. Merci Tony, continuez à nous écouter hein, sur la radio ou sur internet. Ça passe plus vite avec nous. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. 17h43, je suis vraiment une pendule automatique. Vous êtes sur Studec Web. C'est votre dernière chance, les amis, de jouer au jeu de la marche arrière. Et Steph, tu nous lâches le dernier indice que tout le monde attendait. Eh oui, avant le dernier indice, on va se refaire pour une dernière fois les trois indices précédents. En commençant par le premier. 20h, Salgavo. Les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion. Voilà l'année de l'élection de Nicolas Sarkozy, 53% des voix face à Ségolène Royal au second tour. Le deuxième indice, le voici, depuis le 1er février de cette année-là, il est officiellement interdit de fumer dans les lieux publics. Troisième indice, le 8 février de cette année-là, toujours plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires descendaient dans la rue pour manifester face aux 15 000 suppressions de postes qui étaient prévues pour cette année-là. Et l'indice numéro 4, il est là, je voulais finir avec... une musique sortie cette année-là justement, bien évidemment. Ce qui est cool avec cette musique, c'est qu'elle continue de tourner dans notre playlist. Ça vient tout droit de Memphis et c'est le dernier indice du jeu de la marche arrière. Foncez sur Facebook par message privé sur la page Facebook de Studec Web. C'est moi qui gère. Bonne chance. Exact. Justin Timberlake, on va l'écouter. C'est What's Gone Come Around, Wall Street English. Ah, wow. What goes around comes around. L'année de sortie, je vous laisse la deviner, évidemment. Ah, je vais évidemment, pas vous spoiler. On va pas vous la donner non plus. Et bien sûr, la belle playlist continue sur Studec Web. Belle soirée à vous tous. my sun. You were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. Say what you did. I already know. I found out from you. There's just no chance for you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone, girl, I refuse. You must have me confused. Other guy, your bridges go burn. Now it's your turn to cry. Like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have flown it. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Vous l'avez bien sûr reconnu, Cry Me a River de Justin Timberlake. Il l'a écrit en une soirée, en rapport avec sa rupture avec Britney Spears. C'était à l'époque assez mélancolique et ça en a fait vraiment un carton. Le bon son de Justin Timberlake sur Studekweb, pardon. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur Studekweb. Et on y va, il n'y a pas de bête, mais c'est bien aussi à blanc. Chaque semaine, il a deux minutes pour sortir des dossiers qui vous donnent le sourire. Je vais me reprendre. Notre Italien de la rédaction est allé chercher les meilleures infos autour du globe dans 24 heures sur la planète. C'est avec toi, Tony. Tout à fait, Baptiste. On commence avec une vidéo postée sur YouTube. Je ne vous en dis pas plus. Écoutez. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled. C'est Xinhua News Agency, la plus vieille agence de presse nationale de Chine, qui a dévoilé sa nouvelle invention. Alors vous, pour vous, Baptiste, c'est quoi cette personne qui parle là qu'on entend en fond? Un anglais. Vous dites non. C'est un. Je pense savoir, c'est une intelligence artificielle, non? Tout à fait. C'est pas un vrai présentateur. Un présentateur composite qui combine l'image et la voix d'un présentateur avec une intelligence artificielle capable de synthétiser un texte comme un présentateur qui lit un prompteur, hein, par exemple. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez réussi, Baptiste. Fait naturel, au final. Alors, pas robot, tu vois. Oui, et bah, pour l'instant, justement, la voix du robot est un peu monotone et un peu métallique, mais elle va être améliorée. Et il est déjà possible de voir ces intelligences artificielles officier en vidéo, par exemple, sur les sites internet et les web TV chinoises. Une belle percée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on passe maintenant à un personnage bien réel. On est en France maintenant. Il s'agit d'un chauffeur de taxi qui a pris un client un peu particulier que l'on connaît tous. Il s'agit du chanteur Vianney, qui est l'idole des enfants de ce chauffeur de taxi. Seul problème, il ne l'a pas tout de suite reconnu. Vianney a posté la réaction du chauffeur lorsqu'il l'a reconnu. Écoutez. Allez, putain. Mais c'est pas grave. Oh, je suis désolé, merde. Mais c'est pas grave. Oh, je m'en fais. Mais non. Voilà, sur son compte Twitter, le chanteur a accompagné la vidéo d'un message, tellement un amour fort et meilleur à lui. C'était en fait l'idole de ses filles, il ne l'a pas reconnu, c'est au bout de 10 minutes qu'il l'a reconnu, donc voilà, il était assez impressionné. C'est déjà ça, il l'a fait, C'était la petite histoire du jour, Baptiste. Eh bien, c'est très bien. Moi, ce qui me fait peur, c'est que bientôt les robots vont nous remplacer au micro. Moi aussi, ça. J'en ai. Ça, j'ai les boules. Eh bien, oui. Imagine, bonjour, bienvenue sur Studekweb. Imitation ratée, ne m'appelez pas pour vos mariages. Mauvais animateur ou imitateur. 17h50, il est l'heure de jouer sur Studek Web avec un peut-être futur gagnant. Et Stéphane, on accueille quelqu'un au téléphone, il me semble. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Et on accueille Jason au téléphone. Jason, est-ce que tu nous entends ? Ouais, salut Stéphane, salut l'équipe. Salut Jason, ça va bien ? Ouais, ça va, tranquillement, tout va bien. Jason, tu as 34 ans, tu es jardinier à Neuilly-sur-Seine. Absolument, exactement, ah. Tu as tout bon. Jason, on va pas avoir le temps malheureusement de se refaire tous les indices, mais si tu nous appelles, c'est que tu as forcément une idée de l'année dans laquelle je veux parler. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mis, toi, sur la voie ? Eh ben, écoute, ce qui m'a mis sur la voie, c'est le premier indice, je crois, celui sur Sarko, avec l'élection de Sarkozy. Ah oui, en plus, tu viens de Neuilly-sur-Seine. Ouais. Même si je suis pas sûr que ce soit forcément un bonheur pour tout le monde. Ah, mais le message est passé. Mais ouais, l'indice, c'est après Timberlake, ça a fait la différence. Ok, ouais. Ça marche. Bah écoute, Jason, on va prendre ta réponse maintenant. Eh ben, je dirais 2007, du coup. 2007 ? On vérifie ensemble, attention. 2007, Jason, attention, la réponse. Eh oui, Jason, c'est cool. Gagné, bravo. C'est ça, 2007. Cool. Bravo à toi Jason, bah on va prendre tes coordonnées tout simplement et puis tu nous diras l'émission que tu veux venir voir en coulisses et puis nous bah on t'accompagnera, on fera visiter tout ça. Bah avec plaisir les gars. Salut Jason, à la prochaine. Félicitations Jason, retour de la musique. C'est une nouveauté Studek Web, un jeune DJ déjà très connu qu'on vient de rentrer dans la setlist. Le morceau s'appelle Diamond Earth. C'est signé Alan Walker qu'on écoute sur Studek Web. Hello sweet grief, I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. It's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I did not know where our broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. Entendre reparler d'elle, Sophia Somaro qui prête sa voix à Alan Walker sur le morceau Diamond Earth proposé par Studek Web. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche ? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous, à la base je voulais être chanteuse moi. Bon c'est pas grave, laisse tomber, moi je vais plus tôt. L'intersection sur Studek Web. Elle a pas beaucoup le sens de l'orientation, cette dame. 17h54, avant de passer le relais à Studek Soir, j'ai envie de jouer avec vous. C'est l'heure de la récré. Ouais, on est content. On est tous heureux. Et ça tombe bien, puisqu'on a créé un concept juste pour ça. Nous voilà dans l'intersection. Je repose les bases. Je vais vous demander de vous écarter les uns des autres. Nous écartons. Voilà, c'est fait. Puisqu'à partir de maintenant, il y a deux équipes autour de cette table. Steph et Bilal d'un côté et Tony tout seul. Ah oui, donc je suis une équipe de 1 en fait, c'est solo. Ça. Tu es seul. D'accord, vous savez recevoir les gens vous. Hein. Tony, notre ami de la rédac, parce que bon, on va pas se mentir, Tony, tu es deux fois plus futé que les deux bras cassés à ma gauche et à ma droite. Peut-être, je sais pas. On prend le compliment. Allez, le reste c'est du classique. Question de rapidité aujourd'hui, messieurs, avec un blind test cinéma. Ouh. Alors, en cas de match nul, on partira sur un dessous de table. Ça marche bien aussi, le premier qui donne un billet. Je vous rappelle que nos animes Bilal et Steph remettent leur titre en jeu. Ils ont gagné hier contre Claire. Bravo les gars. Eh oui. Est-ce que tout le monde est prêt, Tony ? Nous sommes tous je prêts. Je suis prêt, c'est moi, bon. Je suis concentré, ça va le faire. Let's go, solide sur le buzzer. Vous me donnez le nom du film, extrait Max. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin, mais au ministère on l'appelle le dîner de coup. Son numéro dans l'annuaire. Ah Benjamin. J'ai la bonne réponse, Steph. C'était le dîner de con, un incontournable. Mais c'est trop mythique. Mais Steph, il le regarde deux fois par mois. Exact. Voilà. Malheureusement, Tony, c'est perdu pour toi. Et moi, vous savez, je regarde que les films de l'histoire du cinéma avec Catherine Deneuve. Donc, si vous voulez, ça va être compliqué si vous faites que des films populaires. Ça avait été là-dessus. Ça a l'air bien, mais un peu chiant en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut le dire. Bref, le GPS est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission à la même heure lundi sur StudecWeb. On vous promet une histoire différente à chaque épisode. Merci à Quentin et à Max qui ont drivé cette émission avec brio, hein, comme d'hab. Merci à vous, messieurs. Merci à toi, Tony, pour ta bonne humeur. Merci, c'était super sympa. Et surtout, merci à vous d'avoir passé le début de soirée avec nous. C'est un réel plaisir à chaque fois. Oh là, Quentin, Comment mieux conclure une émission qu'avec ce titre ? Vous restez là tout de suite. Vous retrouvez Studex Soir juste après une parenthèse musicale. Déjà bientôt, un an qui nous a quittés. On ne le présente plus, Johnny Hallyday. Allumez le feu. voir grandir la flamme.